De retour à Futur Simple, c'est François-Éric Loire qui vous parle. Il est 18h02, alors je reçois présentement Dominique Matt qui va nous parler de la climatologie de l'enseignement. Bonjour Dominique. Bonjour François. Alors, dans mes dernières chroniques, j'ai plutôt parlé du droit de l'environnement et j'ai décidé de revenir pour cette chronique-ci, plus à mon domaine, donc la climatologie. Et plus particulièrement, un des volets de la climatologie de l'enseignement. Donc, quand ça arrive, en gros, c'est d'où nous provient l'énergie qui fait marcher l'espèce de machine climatique qu'on connaît autour de nous, comme les saisons, et tout, ben, pas les saisons, machine, mais qui fait marcher la machine climatique, comme les mouvements atmosphériques, les mouvements de convection et tout. En fait, toute l'énergie sur la Terre, en fait, quelque part aussi. Oui, exactement, en fait. 99,9% de l'énergie nous est fournie, comme tu vas t'en douter, par le soleil. Effectivement. Donc, pour vous expliquer un peu le cheminement que cette énergie-là fait, je propose un petit voyage. Donc, un voyage qui va débuter au cœur du soleil et qui va nous atterrir ici à la surface de la Terre. D'accord. Allons-y. Donc, on commence au cœur du soleil. Pour simplifier les choses, on va dire que le soleil est à 70% d'hydrogène et 30% environ d'hélium. Il y a d'autres éléments aussi, hein, des fractions minimes, mais principalement ça, ces deux éléments-là, qui vont faire des réactions thermonucléaires. Donc, on parle de 4 atomes d'hydrogène qui vont créer un atome d'hélium. OK. Donc, c'est l'hydrogène qui se transforme en hélium. Exactement. 4 atomes d'hydrogène en un atome d'hélium. Alors, si ça veut dire que s'il y a déjà 30% d'atomes d'hélium et 70% d'atomes d'hydrogène, ça veut dire qu'il y a déjà... On est correct pour un bout. Oh, on est encore correct pour un bout. Il y a déjà un bout qui s'est commencé. Oui, définitivement, définitivement. Et donc, qu'est-ce qui crée l'énergie dans cette réaction thermonucléaire-là, dans cette fusion-là? C'est que les 4 atomes d'hydrogène sont plus lourds que l'atome d'hélium. Donc, il nous reste un reste de masse, en fait, un reste de matière qui, par l'équation d'équivalence matière-énergie dans Einstein, va se transférer en énergie. Donc, E égale MC2, la masse se transfère en énergie. C'est ce qu'on appelle le défaut de masse, je pense. Oui, exactement. Donc, c'est cette masse qui... c'est cette énergie, pardon, qui nous est transmise à nous. Pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur de l'énergie, on parle que le Soleil, par seconde, fait l'équivalent de 7 tétrabombes d'Hiroshima. Donc, ça veut dire 7 suivi de 12 zéros bombes d'Hiroshima. Ou encore 1000 milliards, on pourrait dire. Oui, exactement. Donc, ça, c'est... énorme. Et heureusement pour nous, c'est pas toute cette énergie-là qui arrive à la surface de la Terre, puisque cette énergie-là, par seconde, va se répartir sur les sphères galactiques. Et plus elle va s'éloigner du Soleil... Partout dans l'univers, en fait. Ouais, c'est ça. Plus elle va s'éloigner du Soleil, plus il va y avoir une atténuation, en fait, de l'énergie qui va diminuer par mètre carré, par exemple. Donc, ce qui nous arrive, nous, à la limite atmosphérique, c'est 1370 watts par mètre carré. Et c'est, faut bien comprendre que c'est vraiment à la limite atmosphérique que cette énergie-là arrive. C'est pas sur la Terre, là, on est encore. C'est pas sur la Terre. Au périmètre de l'atmosphère, finalement. Exactement. Okay. Et cette énergie-là doit. Là, on parle d'une sphère de 2 dimensions, elle doit se répartir sur une sphère. Donc, ben oui, ça fait. Nous, l'équivalence de ça, c'est 342 watts par mètre carré si on parle de toute la planète, en fait, d'énergie qui nous arrive par mètre carré. Donc, 342 watts, voilà. 342 watts, ça c'est la puissance qui arrive sur la surface de la Terre, c'est bien ça, sur un mètre... Sur la limite atmosphérique. Il répartit en fait sur toute la limite atmosphérique. OK, parce qu'on sait effectivement qu'il y a quand même aussi une certaine quantité d'énergie qui est réfléchie aussi, je pense, par l'atmosphère. Hein. Oui, mais ça, on y arrive dans les prochaines étapes. En fait, on est vraiment encore à la limite du vide interstellaire et au début de la limite atmosphérique, en fait. Je voulais revenir un peu sur le défaut de masse dont on parlait tout à l'heure. On sait effectivement que 4 protons, c'est pas tout à fait le même poids que 4, en fait, que 2 neutrons et 2 protons dans l'atome d'hélium. La différence est extrêmement petite, mais effectivement, comme l'équation, c'est E, l'énergie qui est égale à MC carré, C étant la vitesse de la lumière, qui est un chiffre tellement grand. Oui, exactement. Alors, c'est pour ça qu'une si petite différence de masse va créer quand même une énorme quantité d'énergie, n'est-ce pas? Oui, exactement. Puis, il y a une quantité phénoménale, en fait, c'est ces réactions-là qui se passent au cœur de la Terre. Puis là, regarde le Soleil, pardon, mais on parle seulement d'une seule réaction parmi tant d'autres, en fait. Là. C'est simplement pour simplifier le phénomène un peu. Donc, là, on est rendu à la limite atmosphérique. Afin de bien comprendre ce qui se passe par la suite, on va juste comparer, on va pas comparer l'énergie, on va dire que c'est un onde électromagnétique. OK. Alors maintenant, comment ça se répartit à partir de cette limite-là? Oui, mais c'est ça. Avant ça, il faut bien comprendre que l'énergie d'un onde électromagnétique qui est dépendante d'une longueur d'onde, en fait. On parle de deux distances de crête à crête, qui, comme une vague, en fait, entre deux vagues, c'est cette distance-là qui est importante de l'énergie, et la distance va caractériser l'énergie qu'on va avoir. Donc, à partir de la limite atmosphérique, il va se passer trois choses avant son arrivée à la surface planétaire. Il va se passer la réflexion, donc comme un miroir, l'énergie va être reflétée. Il y en a une partie qui réfléchit dans, oui, dans soit par la surface, soit par les nuages, soit par l'atmosphère. Il y en a une qui va être diffusée, donc c'est comme si on prend un rayon, en fait, d'énergie qui vient frapper, par exemple, une molécule qui va être éclatée dans toutes les directions. Donc, l'énergie va être atténuée dans sa, propre, dans sa direction première. Un peu comme un nuage aussi, qui est exactement un nuage partout. Oui, exactement. Comme un rideau, en fait. Et l'absorption, en fait. Donc, il va y avoir une bonne partie de l'énergie qui va être absorbée par les gaz à effet de serre, par, par exemple, les vapeurs d'eau. L'atmosphère qui est... En fait, les gaz qui constituent l'atmosphère. Oui, exactement. Vapeurs d'eau, dioxyde de carbone, protoxyde de carbone, méthane. Oui, qui sont, comme tu disais, des gaz à effet de serre, donc qui absorbent bien la chaleur. En fait, les infrarouges dans le soleil. Oui, exactement, exactement. Donc, comment fonctionne cette absorption-là? Pourquoi que l'atmosphère absorbe une certaine quantité d'énergie? Bien... C'est juste que la longueur d'onde qu'on parlait tantôt, qui était dépendante de l'énergie, en fait, que l'énergie est dépendante, strictement dépendante de la longueur d'onde, cette longueur d'onde-là peut être similaire à la distance entre des éléments, comme par exemple une vapeur d'eau, donc H2O, entre l'hydrogène et l'oxygène. Donc, simplement, les deux distances sont similaires, donc la molécule est capable d'absorber l'énergie. D'entrer en résonance, c'est ça. D'entrer en résonance, donc de vibrer pour prendre l'énergie, en fait, de cette longueur d'onde-là. Donc, il y a quelques longueurs d'onde selon ce qui se retrouvent dans l'atmosphère qui ne passeront pas l'atmosphère. Et si on parlait aussi de l'absorption, en fait, on vient d'en parler de l'absorption, en fait. Oui, mais en fait, on est rendu un peu au qu'est-ce qui se passe à l'atmosphère. Donc, pour faire un espèce de bilan, si vous voulez, il y a 31% du rayonnement qui réfléchit vers l'espace, 23% qui est absorbé par l'atmosphère et 6% qui réfléchit par la surface de la Terre. Donc, il y a seulement 46% du rayonnement qui est absorbé par la surface. OK. Donc, il arrive vraiment à la surface du sol. À la surface du sol, exactement. C'est quand même pas beaucoup, le 46. Ben, c'est quand même pas mal, mais par rapport à ça... pour nous donner la vie. Oui, c'est tout fait. Et à venir aussi. Oui, effectivement. Donc, ce 46%-là, on l'appelle le rayonnement global. Lui se partage en deux rayonnements. Donc, le rayonnement direct et le rayonnement donc indirect. Le rayonnement direct, si vous voulez, c'est un peu celui qui est prédominant par ciel clair. Donc, mettons, à latitude moyenne, on parle que l'énergie qui va arriver à la surface, le rayonnement qui va arriver à la surface terrestre va être un peu plus élevé que 75% de sa valeur à la limite atmosphérique. Okay. Donc, par la suite, il y a des nuages. Puis ça va dépendre, en fait, pendant les mois, de l'absorption, de l'épaisseur, de la pollution, de l'épaisseur de l'atmosphère, pardon, et de la réflexion de tout ce qui se passe, en fait, dans l'espèce de couche atmosphérique. Ça pourrait être aussi la densité de l'air. J'imagine que plus il fait froid, que ça doit absorber. Oui, ça change aussi. Il y a énormément de paramètres qui vont entrer en ligne de compte. Et par la suite, il y a l'espèce de rayonnement diffus de cet rayonnement qu'on parlait tantôt qui vient frapper sur les nuages, qui vient de se diffuser. Cet rayonnement, même s'il est atténué, il faut le calculer. Il y a quand même une bonne partie de la surface de la Terre. C'est une des raisons pourquoi qu'en hiver, même si en mois de janvier, il fait toujours en nuageux, si vous voulez, on sait qu'on reçoit quand même une certaine quantité d'énergie. Donc, puisqu'on sait que maintenant que la surface de la Terre reçoit l'énergie, puisqu'on est présent sur Terre, parce que si continuellement la Terre reçoit l'énergie, on n'aurait pas pu survivre à ça, parce que continuellement, on aurait augmenté sa température. Oui. Donc, il faut absolument que la Terre émette de l'énergie aussi. Donc, selon la théorie des corps noirs, que si un corps a une température quelconque, il va émettre un rayonnement. Et le rayonnement que la Terre émet est un rayonnement infrarouge. Oui. Donc, à partir de la Terre, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une plus grande quantité de rayonnement infrarouge qui va partir de la surface qu'elle a reçu, en fait, du rayonnement solaire. Direct. Oui, parce qu'il y a de l'énergie de plus haute densité, comme les ultraviolets qui sont transformés en infrarouge, j'imagine que c'est ça. Exactement. Donc, ça part. Cette énergie infrarouge-là est plus abondante. Oui. Il va se passer exactement la même chose qui s'est passé à partir de la limite de l'atmosphérique jusqu'à la surface terrestre. Il va avoir une absorption, en fait, par l'atmosphère, une absorption aussi par l'ennuagement. Et cette couche ennuageuse-là va, puisqu'elle aussi, elle absorbe de l'énergie, il faut qu'elle émette de l'énergie et qu'elle envoie aussi. Mm-hmm. Donc, on va émettre une partie de l'énergie vers l'espace, une autre partie vers nous. Ce qui donne un bilan total, en fait, que dans le système surface-atmosphère, on a un déficit un excédent d'énergie de près de 153 watts par mètre carré. Okay. Ça, c'est vraiment une moyenne, en fait. Si on va dans des latitudes plus équatoriales, si vous voulez, ben cette énergie-là est plus grande. Si on va vers les latitudes, plus vers les pôles, cette énergie-là, c'est un déficit, en fait, est négative. Mais c'est globalement, globalement, c'est 153 watts par mètre carré. Puis c'est les effets, en fait, les mouvements océaniques, les mouvements atmosphériques qui vont aller équilibrer, en fait, cette énergie-là. Vont la disperser, finalement, sur la planète. Oui, exactement. Donc, c'est ce qui nous fait, cette énergie-là, cet excédent d'énergie-là, c'est ce qui nous donne l'effet de serre. C'est si on n'aurait pas effet de serre naturel. Un effet de serre naturel. Si on n'aurait pas cet effet de serre-là, la température moyenne qui est tout alentour de 15 degrés Celsius serait 33 degrés plus petit, donc à moins 18 degrés Celsius. Ça serait la température normale de la planète Terre avec les énergies qu'on a. Mais grâce à cet effet de serre-là, qui est essentiel à la vie, qui est essentiel à nous, oui, a fait une bonne quantité de vie, ben on a été capable de vivre. Alors, brièvement, Dominique, parce que le temps passe, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'effet de serre anthropique? Là? Ben, en fait, c'est exactement la même chose, l'effet de serre anthropique. C'est juste qu'on va envoyer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc il va y avoir plus d'énergie retenue. Donc, l'effet de serre naturel, il va avoir un coefficient aussi, un paramètre de plus ajouté à l'effet de serre naturel. Donc, il va faire une élévation de température un peu plus élevée, en fait. D'accord. Alors écoute, Dominique, c'est tout le temps que nous avons. Alors merci beaucoup pour cette chronique plus intéressante. Alors nous allons faire une courte pause musicale et Valérie va revenir après cette pause avec Éric Gagnon et on va entendre parler des observations dans le ciel à venir pour cette année. Alors vous écoutez Futur Simple à l'antenne de CKRL 89,1.